بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Vu que donc on a un peu tardé ce soir, on va pas faire très long بإذن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous ne prie avec un seul vêtement sans qu'il n'y ait rien qui couvre ses épaules, sans qu'il n'y ait rien sur ses épaules. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة مكشوف العاتقين. Il y a dans ce hadith l'interdiction de prier avec les épaules découvertes. Comme on peut le voir beaucoup pour ceux qui font l'umra. Tu fais l'umra, tu vas voir donc les frères qui ont le izar et le rida sur eux et qui vont laisser le rida pendant la prière et ils vont avoir les deux épaules découvertes. Ils vont avoir les deux épaules découvertes. En pensant que c'est permis ou ne connaissant pas l'interdiction, pensant que c'est détestable ou autre. Et donc ce hadith, il nous montre le cas, l'interdiction de cela. Cependant, cette interdiction qu'on voit dans ce texte, est-ce que c'est une interdiction qui indique au fait que cet acte est totalement interdit ou alors c'est qu'il est tout simplement détestable. اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى الكراهة. Et donc les savants, ils ont divergé en cela et la majorité, ils voient que c'est détestable. C'est détestable de prier avec les épaules découvertes. فللرجل أن يصلي مكشوف العاتقين ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. Et donc il voit que l'individu peut prier avec les deux épaules découvertes et il n'est blâmable en cela, il n'est pas blâmable en cela et sa prière est correcte. واستدلوا بحديث جابر في صحيح البخاري أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. Et donc la preuve de l'jumhur. L'jumhur ici c'est qui? C'est al-Malikiya, al-Hanafiya et kadhalika et aussi al-Shafi'iya. Ces trois écoles, donc ils voient comme on a dit qu'il est détestable de prier avec les épaules découvertes, mais la prière elle est authentique et la personne n'est pas blâmable. Quelle est leur preuve qui montre que cela est permis? Le hadith de Jabir dans Sahih al-Bukhari. Jabir radiallahu anhu qui dit Je suis parti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages. Et je suis venu à lui une nuit pour certains de mes besoins. Donc il avait certaines questions, certains besoins qu'il avait. Il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors je l'ai trouvé en train de prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accompli la prière surérogatoire pendant la nuit. Et donc Jabir il nous dit et je n'avais qu'un seul vêtement sur moi. Fashtamal tu bihi. Alors je me suis couvert avec celui-ci. J'ai mis ce vêtement autour de moi. Et j'ai prié à côté de lui, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui-ci a fini sa prière, il a dit « Massoura ya Jabir ». Qu'est-ce qui t'amène ici, ô Jabir? Qu'est-ce que tu veux? Que se passe-t-il, ô Jabir? Alors Jabir qui répond, Jabir qui dit, alors je l'ai informé, je lui ai dit donc ce que je voulais, les différents besoins que j'avais. Et lorsque j'ai fini, alors là, il m'a dit, quelle est cette façon de se couvrir que j'ai vue? Et c'est là qu'on voit l'adab fil nasiha, le comportement dans le conseil. Il ne lui a pas dit directement comme ça, il a attendu que Jabir ait fini de poser sa question, fini d'expliquer ce dont il avait besoin. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, mais hada al-ijtimal alladhi ra'aytu. Quelle est donc cette façon de se couvrir que j'ai vue? Alors Jabir qui dit, radiallahu anhuma, il dit, Jabir, c'est, je n'avais qu'un seul vêtement et il était serré. Et il était serré. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était petit, il n'était pas suffisamment large. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, alors si le vêtement est large, mets-le tout autour de toi, fal-tahif bihi. Mets-le tout autour de toi, tu te recouvres donc avec ce vêtement. Si tu n'as qu'un seul vêtement, tu te couvres le corps avec celui-ci. Et si ce vêtement n'est pas large, s'il est trop petit ou serré, fait tazir bihi. Ça veut dire, tu utilises ce vêtement comme un izar. Le izar, il s'attache en bas. Le izar, il s'attache en bas. Comme donc une serviette que tu vas mettre et que tu vas attacher en bas pour couvrir ta partie, donc du nombril jusqu'au genou. قالوا إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فتزر به دليل على جواز صلاة الرجل دون ما يغطي عاتقيه. Et donc, el jumhur, la majorité des savants, ils nous disent, et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit, faites tazir bihi, alors utilise ce vêtement comme un izar, cela nous montre qu'il est permis à cet individu de prier en montrant, en découvrant ses épaules. Il prie avec les épaules découvertes. C'est le prophète qui lui a dit, faites tazir bihi. Et donc cela est permis. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم الجواز إلا لمن لم يجد ثوبا آخر. L'imam Ahmed رحمه الله, lui, il voit que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de prier avec les deux épaules découvertes, sauf pour celui qui ne trouve pas un autre vêtement. Alors à ce moment-là, huwa ma'zour, il est excusé. وحديث جابر الذي استدل به الجمهور دليل على ذلك. Et le hadith de Jabir qu'on vient de voir, qui est la preuve de l'jumhur, la majorité des savants, c'est aussi une preuve qui va dans le sens de l'imam Ahmed rahimahullah. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit dans ce hadith, فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَالتَّزِرْ بِهِ. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si le vêtement est large, alors mets-le tout autour de toi. Et s'il est serré, alors utilise-le comme izar. Idhan, la nasilu ila al-ittizar illa inda adamil kudra. Et donc, on n'utilise pas le vêtement comme izar, on utilise le vêtement comme izar que quand on n'a pas la capacité de faire autrement. Si tu n'as pas un deuxième vêtement, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser ton vêtement comme izar. Idhan, هذا القول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة. Cet avis, donc qu'a cité l'imam Ahmed, c'est l'avis le plus juste dans ce sujet. Il y a un autre point que j'aimerais juste éclaircir avant de finir, inshallah ta'ala, c'est sihhatus salat. Qulna ar-rajih annahu la yajuz lirajuli an yusalliya makshuf al-atiqayn. On a dit donc qu'il n'est pas permis à l'individu de prier avec les deux épaules découvertes. Walakin as-salat hal hiya sahiha aw batila. Cependant, la prière de l'individu, celui qui fait cela, est-ce que sa prière elle est correcte ou elle est caduque, qu'il doit la recommencer? L'imam Ahmed fi hadha riwayatain. Donc chez les Hanabila, il y a deux narrations, même si beaucoup de savants disent que le madhhab al-Hanabila huwa al-butlan. Beaucoup de savants nous disent que le madhhab donc de l'école Hanbali de l'école Hanbali, c'est le fait que la prière de l'individu elle est caduque. Celui qui prie avec les deux épaules découvertes, sa prière, elle est caduque. Et l'autre avis, c'est que sa prière, elle est correcte. Salatuhu sahihatun ma'al ithmi. Sa prière, elle est correcte, mais il est pécheur. Et donc, le premier avis, salatuhu sahihatun ma'al ithmi. Le deuxième avis, salatuhu batilatun wa huwa athim. Donc, le premier avis, sa prière, elle est correcte et il est pécheur. Le deuxième avis, sa prière est incorrecte et en plus de ça, il est pécheur. وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ. L'avis le plus juste concernant ces deux avis, l'avis le plus juste est que la prière, elle est correcte. La prière, elle est acceptée, elle est صَحِيحَة. Pourquoi? لِأَنَّ الْبُطْلَانَ يَسْتَلْزِمُ دَلِيلًا. Le fait de dire qu'un acte d'adoration il est caduque, cela implique obligatoirement une preuve. La yumkinuna an naqula fi ibadatin innaha batilatun duna dalil. Nous ne pouvons pas dire d'un acte d'adoration qu'il est caduque sans preuve. Wa tahrimu la yadullu mutlaqan ala al-butlan. Ça, c'est important, cette règle-là, c'est que l'interdiction ne veut pas tout le temps dire que l'acte est caduque. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est interdit durant la prière de faire tel ou tel acte que ça veut dire que si l'individu il le fait, sa prière elle est caduque. Non. Il faut qu'il y ait une deuxième preuve qui nous montre que cet acte-là va invalider la prière. Et donc c'est important de faire la distinction entre les deux éléments. La prière de l'individu, elle est correcte parce qu'il n'y a pas de preuve qui montre le contraire, mais par contre cet individu est pécheur. Wa hadha huwa ikhtiyar al-Sheikh al-Allama Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala. Et donc ça c'est l'avis qu'a choisi le très savant le Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, et c'est l'avis le plus juste bi idhnillah ta'ala. On arrête là pour ce soir, excusez-moi donc pour le retard, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.